Le lundi 6 février, ici Dominique Lelièvre et les informations. Une semaine après l'attentat contre la mosquée de Québec, Régis Labeaume estime qu'il est encore trop tôt pour en mesurer les conséquences. En marge d'un événement ce matin, le maire de Québec a dit que les funérailles de vendredi dernier marquaient le passage à une nouvelle étape où la capacité des gens de Québec à se remettre en question serait mise à l'épreuve. Il a une nouvelle fois dénoncé les gens qui s'enrichissent avec la haine sans préciser de qui il s'agit exactement. Ce que j'ai vu en fin de semaine, il y a une espèce de traumatisme en population. Là. Et je reviens à ce que Colette disait, Colette Roy-Laroche. C'est pas aujourd'hui qu'on va le savoir, c'est dans 3 semaines. On va frapper un petit mur dans 3 semaines. D'ailleurs, le maire de Bruxelles qui m'en avait parlé, là, je suis assez documenté sur la chose. On se prépare. Tout le monde veut qu'on sème les uns et les autres, mais est-ce que dans 3 semaines, un mois, les mêmes discours vont recommencer? Là-dedans, il y a des gens qui ont des intérêts économiques. N'oubliez jamais ça. Là. Ils ont des intérêts financiers. Alors, est-ce que le même discours va recommencer dans 3 ou 4 semaines? Je ne sais pas. Alors, il va falloir qu'on teste notre capacité, entre guillemets, à changer, je pense. Alors, on ne peut pas vous donner la réponse aujourd'hui, puis je ne suis pas capable de vous garantir que ça va être ça. Moi, je sais ce que je vais faire. La prochaine semaine, on va commencer à élaborer ce qu'on va faire. Mais est-ce que le discours dans notre communauté va changer? Je ne sais pas encore. Après avoir promis que les musulmans de Québec auraient leur cimetière, Régis Labeaume a dit ce matin qu'il n'entendait pas financer une telle opération. Il a estimé que ce n'était pas le rôle de la ville et qu'il préférait accompagner la communauté dans les questions fiscales et légales. On en sait un peu plus sur le projet de spectacle du chanteur des Lost Fingers, Byron Mikhaïlov, et du metteur en scène Olivier Dufour. Un concert en hommage aux victimes de la tragédie aura lieu le dimanche 26 février. Il s'agira d'un spectacle gratuit extérieur qui se tiendra à la place Diouville. Il prendra la forme d'un conte musical et fera participer des dizaines d'artistes de plusieurs disciplines et de plusieurs cultures. Des activités familiales seront également proposées pour permettre de découvrir les différentes communautés culturelles de Québec. Deux journalistes du réseau TVA ont été agressés ce matin au palais de justice de Québec. Un massothérapeute qui allait subir son procès pour agression sexuelle s'en est pris physiquement aux deux représentants des médias qui prenaient des images dans une zone qui leur était réservée. Personne n'a été blessé. L'homme sera accusé plus tard aujourd'hui de voies de fait. Enfin, c'est aujourd'hui que débute la 18e campagne J'arrête, j'y gagne. Chaque année, des milliers de personnes participent au défi qui consiste à arrêter de fumer pendant 6 semaines. Les participants disposent de différents outils de soutien. Pas moins de 2 participants sur 3 se rendent jusqu'au bout du défi. Les personnes intéressées ont jusqu'à ce soir pour s'inscrire sur le site web défitabac.ca. Soleil, pluie, neige, vent, tempête, météo. C'est généralement ensoleillé aujourd'hui. Les vents seront présents à 20 km/h et rafales à 40, maximum à atteindre aujourd'hui de moins 12 degrés. Demain, mardi, ça s'ennuage. Il fera moins 14 et des vents qui vont souffler à 40 km/h avec rafales à 60. Mercredi, de la pluie verglaçante ou de la neige, maximum de moins 1 degré. Présentement à Québec, c'est partiellement nuageux. Il fait moins 14 degrés et on ressent moins 24 avec le facteur éolien.